j'avais arrêté. C'est pas possible. Ouais, non. Non, on a eu Mosystéria, System of a Down, tout ça, c'est pas possible. Hein. C'est pour être sûr qu'on soit là. Voilà. J'explique avant de commencer Pyongyang Gangsta Rockers numéro 416. J'étais en train de regarder tout ébahi et tout ébobi, la liste des trucs qui passeraient si on n'était pas là. Il y a un système automatique qui prend le relais si jamais qu'on n'est pas là. Comme la semaine prochaine, il est possible que. On soit pas là. Ou alors on sera là, mais. Pas là. Tout en étant pas là. Enfin, bon, je leur dirai de manière un peu plus intelligible tout à l'heure. Pour l'instant, c'est donc PCR numéro 416 qui commence avec, à ma gauche, Célia. Salut. En face de moi. Au centre, on dit. Au centre droit. Au milieu. Thibaut. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Et notre sympathique gagnant à droite. À ma droite. Ouais, la classe. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a Philippe, je peux dire que tu t'appelles Philippe? Ouais, c'est cool. Qui est venu faire une petite chronique pour pleurer la disparition d'un lieu de culture arrageois. Mais ça sera tout à l'heure. On va passer. Moi, personnellement, je vais encore faire plein d'annonces de concerts. Hein, je vous êtes prévenus, hein, parce que tous les lieux de culture ne s'arrêtent pas. En tout cas, voici une chose que j'aurais dû passer la semaine dernière, vu qu'ils sont passés dimanche au High Voltage, mais j'ai pas eu le temps de passer Tethered, qui était avec C'est Folle au High Voltage. T'as vu le High Voltage 151 rue Solferino, un des nouveaux lieux où il faut être, hein, sinon on a raté sa vie. Il y en a, c'est les Rolex. Nous, c'est la présence au High Voltage, au CCL, voilà, à la griffe. Et d'autres. Et donc voici Tethered qui vont faire Saturn. Ça fait très années 90, hein, cette affaire. Vous allez bien? Bah ouais, toi. Ouais. Alors, moi, je vais passer un morceau que je traîne depuis un petit moment. le groupe s'appelle, attention, c'est un groupe chinois, alors peut-être que je vais mal prononcer, Megzumeng. c'est un groupe deckpunk chinois. Ils ont 3 démo cassettes à leur actif et une cassette spéciale Halloween. Donc, je dois l'avoir, ce morceau, depuis Halloween. Oh, ça fait un mois. Tout le monde fait de legpunk en ce moment. Ouais, il y en a plein. Peut-être vu que j'écoute ça, on me propose ça. Enfin, tu vois. Et alors, une omelette fouillong alors. C'est ça. moi, je suis très bouffe, hein, donc vous savez. Ce soir, recette de l'omelette. Ouais. Ah, youpi. Bah déjà, tu sais, avec la pub qu'on a faite sur les réseaux sociaux, je parlais d'œufs déjà. Hein, c'est vrai. Pour saluer la performance intellectuelle de Jordan. Hein, quand même. Le nouveau Jean Moulin, enfin, ou le barge tombe fureur Jean Moulin, je sais pas. Bref, revenons à Meng Zhu Meng. Du coup, la cassette, elle est sortie chez Idiot Tape Record le 31 octobre. Et le morceau que je vais passer s'appelle Meet Song de Meng Zhu Meng. En dehors de Lake Punk, belle époque de merde quand même, hein. Bruit de bottes, où nos grosses merdes élues en costard supportent le délire nationaliste de notre cher mange-merde préféré, Manu Premier. Et on remet en scred le service militaire, mais volontaire cette fois. Pour l'instant. Oui, oui, il y a différentes sortes de volontaires. Il y a différentes sortes de volontaires. On en est là. Mais du coup, c'est l'occasion d'écouter les Canadiens de Homefront, avec le titre New Madness, qui nous raconte ce qui se passe quand on suit un leader aveuglement. C'est-à-dire comme des moutons, mais armés et endoctrinés. Tout ça, c'est dangereux, c'est con. Ce titre est tiré du nouvel album, excellent d'ailleurs, je trouve au passage. Je suis d'accord. Watch It Die est sorti en novembre dernier. Et Steph, tu peux envoyer Homefront, New Madness. Push the button. Activation. Leader! Leader! Leader! Leader! Et la bonne. Là, j'ai bien lancé les micros. Ah, t'as, c'est bon, t'as. Ah, ouais, c'est vrai qu'on t'entend mieux. Et du coup, voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront en tournée en France en février prochain. Oui. Ils passeront notamment le 4 février avec Youth Avoider au Petit Bain. Et. Bon, bah, ouais, mais. Ça va, Paris, non, ça va, c'est pas long. Je sors pas du Nord, pas de Calais. Enfin, ouais. Si, je vais en Belgique. Mais si au sud, c'est pas possible. Et ben, au sud de la Belgique, au Black Lab à Wascal, ouais. Ils joueront le jeudi 5 février avec Vague et les Arajois de Basta. C'est ça, ah, on est d'accord, c'est Arajois Basta. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'en sais? Bah, je sais pas, apparemment rien. C'est bien, Basta. Et on dit pas Vague, on dit Var. Ouais, j'étais un peu vague, ouais, sur la prononciation. Val serait là. Ça y est, là, il y a l'équipe du conseil d'administration de campus qui passe devant les vitres et qui fait des grands signes, tu sais. Ouais, parce qu'il faut qu'ils enlèvent les vitres, là. Ouais, c'est mal, non. Ouais. On n'a pas regardé le planning du démontage. Elle t'engueulerait ou elle se moquerait de toi. On dit pas Vague, tu es français, toi. Comment tu dis, alors? Var. V-A-A-G. Enfin, pour... À peu près. Ouais. Moi, c'est des subtilités que j'ai pas. Je suis un... C'est du flamand. Hein? Je sais pas, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est du flamand. Ah, bon. Bah, je sais pas. La vague, non, peut-être. Bon, bah, bon, ouais, bonjour à Val et bonjour à Gaël, hein, qui est dans son lit de douleur là actuellement. En train de dire vague, on dit vague. Portez mes docs. Voilà. Alors, Philippe, tu voulais nous parler, bah justement. On croyait que tu savais ce qui se passait à Arras. Grave. Ouais, c'est petit message hein, de la vie arrajoise, effectivement. Les auditeurs et auditrices arrajoises le savent, le rat perché ferme. La dernière, c'est ce vendredi. Alors, j'ai un petit message de l'association des rats d'en haut, la sauce qui tournait autour du rat. Et qui organisait les concerts. Et de toute la petite vie culturelle, les festivals sur la place, etc. Clap de fin pour le café culturel, social et solidaire, le Rat Perché à Arras. On remercie toutes et tous les employés, les associations, les associés, les habitués d'avoir cru et participé à cette folle aventure. Dernière jam et dernière danse ce vendredi 5 décembre à partir de 18h. Et avant ça, demain... Soir. Ouais, demain, dernier concert en propre au Rat Perché, ça sera Dead Rats, bon vieux groupe arajois de punk rock qui existe au moins depuis 95, je crois. Ouais, ça fait 30 ans qu'ils existent. Ça sera le dernier concert du Rat Perché. J'espère que d'autres salles se maintiendront et d'autres bistrots se maintiendront à Arras, il y a la capsule, je crois. Puis d'autres trucs comme ça. Voici donc Dead Rats avec La mort ou l'ennui en concert demain soir au Rat Perché. We'll be right back. paumé. La mort sauverait ma vie. Un geste suffit pour plus me réveiller. Je tiens à le dire. Hein. Donc, là, à l'instant, c'était Dead Rats avec la mort ou l'ennui. Eh ben, pour les Arajois, ça sera au moins l'ennui. J'espère pas la mort. Philippe, on te reprend au micro parce que, quand même, faut aussi dire que tu participes à une émission le samedi après-midi sur Radio Campus. Il faut dire de quoi il s'agit maintenant. 16h-17h, DT Fabla Narratour, émission de collage littéraire et musical. Voilà, bah c'est tout. Bah, voilà. Simple, efficace, voilà. Émission de sieste. Non, des fois, on entend ta voix qui dit des trucs. Oui, mais c'est de l'ASMR, c'est pour faire dormir. Ah d'accord, ok. C'est comme les fonds sonores de la vie des microbes. Ah d'accord. Exactement. Eh bien, en voilà qui ne font pas de l'ASMR, Gravier, hein, de tous ces nouveaux groupes qui écument l'île en tous sens. Ils passeront White Voltage, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, et ben l'heure est voilà, le High Voltage. Ils passeront White Voltage samedi en compagnie de Most et de Bathlost, que j'ai passé la semaine dernière. Voici donc Gravier avec Holy. We'll be right back. Gling. Il est Ouais. Il est 20h22, c'est l'antenne de Campus 106,6, DAB, 7C, campuslille.com, tout le bordel. Voilà. C'est Pyongyang City Rockers numéro 416. Voici Célia. Moi, je vais vous parler de Now. c'est un groupe de punk hardcore basé à Brême, en Allemagne, avec des membres originaires du Brésil, de Colombie et d'Allemagne. J'en ai déjà passé il y a quelques mois. Ils ont sorti leur premier album, Obrigada, en septembre. On peut retrouver ce LP chez Symphony of Destruction. Et sur l'album, on peut retrouver plusieurs titres qu'il y avait déjà sur la démo. Je pense qu'ils les ont peut-être réenregistrés et il y a plein de nouveaux morceaux qui sont aussi bien que ceux de la démo. Bon. Et petite info en exclu, qui n'est pas si exclu que ça parce que ça a déjà été un peu annoncé, ils vont passer à Lille fin janvier avec Shard Division et Colomba ou Jody, je ne sais plus. Un des deux. Je ne sais plus. Et voilà, ils vont passer le 31 janvier à Lille. Et voilà, on va écouter Redusao de Danos de Nao. Bon, alors petite correction, c'est avec Colomb, Batriste, Short Days et Short Division qui vont passer fin janvier. D'accord. Au CCL. Ça va être sympa. Hein. Superbe affiche confectionnée par Le Roman, le seul, l'unique. Je l'ai vu. mon prochain, c'est à mi-chemin entre Fiddler et Cuir. Et ça fait longtemps qu'on n'en a pas passé dans l'émission, genre environ 3-4 titres. Du Garage Egg Punk. Celui-là, il vient du Texas, San Antonio. Lui, c'est Sex Mex. Alors, trigger warning, warning, les enfants, faut pas taper ça sur Internet sans mettre punk derrière. Parce que c'est aussi une catégorie porno. Je vous fais pas un dessin et j'imagine que les connards de Ice connaissent. Sex Mex, à la base, c'est un groupe, puis un one-man band punk. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Désormais, et il a une productivité assez incroyable. Depuis 2024-2025, il a fait énormément de sorties, des singles, des EP en voiture, voilà. Et il a regroupé tout ça sur son deuxième LP, parce qu'il avait déjà fait ça avant sur un premier LP en 2022. Mais là, il a refait, il a réitéré, il a repacté tout ça dans un truc qui s'appelle Repackage 2. C'est sorti en juillet dernier. C'est un LP de 12 titres, du coup, avec plein de tubes que tu peux te procurer d'ailleurs gratos sur sa page Bandcamp, Camping des groupes. Le titre sélectionné est Fucking It Up, un titre qui parle d'oublier sa peine de cœur avec une autre personne qui oublie aussi sa peine de cœur, simplement. Voilà. Sex Mex dans ton PCR. C'est déjà fini, ça dure pas quoi cette affaire, c'est quoi ce bordel? Il y a un EP de 12 titres si tu veux. Ok, on passera en entier, comme ça, on fera un full album. une belle fois. Assistert Schulmord, groupe norvégien. Le nom du groupe signifie suicide assisté. Bon, écoutez, voilà qui met les gens en gaieté. Ils vont passer ce samedi Anvers, Antwerp Music City. Il y aura aussi les Lillois de Chardez. Deux groupes que je ne connais pas qui s'appellent l'un Syphilis et l'autre Robber. Et puis, ça sera le dernier concert ever de Hammers. Qui existe depuis au moins 10 ans, je crois. Haemers. Tu vois quoi? Non, c'est tout. Ils sont déjà passés au moins une fois au Pits. Je crois qu'ils sont déjà passés à Lille, mais je sais plus où. Et c'est leur dernier, là. Donc les gens qui n'ont pas encore vu, ils font ça en vers à Music City. Et puis comme ça, ils verront aussi Assistert Schulmord, dont on va entendre ici deux titres. Premièrement, la bombe climatique, climat bombe, suite de Egget Gaskammer, chambre à gaz personnel. Et bien tout cela respire la joie de vivre. Voici Assistert Schulmord. Ah! C'est fini là. Tu oui, oui, bah ouais, voilà, vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 416. C'est fou. On a beaucoup de choses à dire ce soir. Si, il y en a un qui a fait ses devoirs, c'est Thibaut. Bah non. Bah si, t'as fait tes devoirs. Depuis tout à l'heure, tu lis tes textes là. Non, je regarde. Je voulais me faire une omelette ce soir. Je suis en train de regarder la recette. Ah, c'est la chronique cuisine, la gastronomie. Ouais, ouais. Je mange de la soupe, je me suis fait arracher une dent, je mange de la soupe, j'en ai marre. On va finir par se faire engueuler par Célia. Beaucoup parlé. On la coupe. C'est pas à toi. Non, c'est à moi de passer un truc. Bon, ouais. Ah oui, je crois que c'était toi. Bon, allez, je vais rester dans les œufs. Hein. Bien sûr. Je vais passer du Power Pants. C'est un groupe d'egg punk qui vient de Winchester. Ils ont sorti leur premier titre en 2023 et depuis, ils ont été hyper prolifiques. Ils ont déjà sorti 7 albums, 2 EP. Et ils ont participé à plusieurs compilations. Leur nouvel EP, PP12, ils ne se prennent pas la tête pour le nom, il est disponible chez Punk Valley Records. Et on écoute tout de suite un morceau de cette EP qui s'appelle... PP12, ça veut dire qu'ils en ont fait 11 ans. Power Pants 12, ouais. Bien, ouais, franchement. Ouais, c'est ce que tu as dit au début. C'est ça, ils ont été prolifiques depuis 2023. Je ne dis plus rien. Le morceau s'appelle Someone Else Problem de Power Pants. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est cassé. Ouais, c'est... Sinon, on peut mettre artiste 322-12. C'est dans 6 minutes. J'ai l'impression que ton truc là, il est. Ah, mon morceau. Mon truc, il marche pas. Il est rempli de blanc. C'est vrai. Bah alors. Bien sûr. Sinon, c'est sur Bandcamp, mais. Alors, tu devrais passer à autre chose, du coup. Je devrais passer à autre chose. Attends, bon, je vais juste vérifier un truc. Oui, non, voilà. C'est ce que je voulais passer après. et donc, non. Allez, on va essayer de trouver. T'as un autre truc J'ai un autre truc. Bon, moi, j'ai un autre truc à passer. Je voulais parler d'une compile qui est sortie cet été qui s'appelle Quelques coups d'éclat. C'est une compile avec que des groupes brestois qui a été créée par le collectif Petit Tonnerre. On y retrouve 20 morceaux inédits avec des groupes qu'on connaît bien comme Syndrome 80, Litovsk ou encore Secteur Pavé. Et j'ai choisi de passer Je déteste Brest de Haute Vaisselle et Bravo Béton. Je déteste, je pense à tous ces gens qui m'aiment et je leur en veux. peux plus respirer, putain de Finistère. En quelque sorte. Hein, non, c'est un peu ça. Ouais. Célia, je vais te venger. Je crois que je suis fasciné par les gens qui font tout seul dans cette scène lofi, weird, omelette, punk, chelou. Mon prochain, c'est encore ça, Autobahn. C'est une personne, Giuliano Iannarella. D'habitude, j'aime pas les trucs qui finissent en Ella, mais là, ça va. Le projet est originaire de Leipzig, mais désormais, il est basé en Suisse. On s'en fout. Il a sorti un LP en 2024, c'est autoproduit, c'est super. Le titre sélectionné, c'est Telinga. En gros, ça parle de râler en mode ouin-ouin, mais pas trop ouin-ouin quand même. Voilà, ça parle de râler, quoi. Je te dis que ça va pas, putain, Telinga, un truc comme ça, je crois. J'ai compris ça, en tout cas. En tout cas, le titre a aussi un joli clip qui est dispo en ligne. Voilà. Et allez voir ça, c'est bien sympa. Autobahn, Telinga. Kuppin antaa tehohoitoa, pane ruoka-astiaan, pikku viikin pilveä, pipetillä pakko juota isän tuontiriskejä. Olisinpa suurempi, muulloinkin kuin unissani, purisin ja repisin ja hyvin nukkuisin. Olisinpa suurempi, muulloinkin kuin unissani, purisin ja repisin. punk. Ah ouais, bah quasiment, ouais. C'est le alors là, c'est egg pas punk. Du egg. Quoi qu'il y a des trucs, quand même, des fois, de Kumi Kamei qui peuvent passer pour du egg punk, même s'ils ont précédé le nom de au moins 15 ans. Kumi Kamei, le chameau en caoutchouc, c'est un groupe finnois et même finlandais, les deux à la fois, qui existe depuis 90, je crois, un truc comme ça. Ils existent toujours d'ailleurs. Là, c'était Hakisa. Et c'était plutôt le côté Oompa. Très sautillant. Ouais, sautillant et tout ça. Ouais. J'ai complètement oublié de vous passer un titre d'un groupe qui va passer vendredi à la Bulle Café. Mais genre, t'as oublié. T'as pas oublié. Non, demain à la Bulle Café. Ah bah tu vois, et vendredi au DND. Tu connais le DND ? Ouais, je suis à Dunkerque. Ouais, voilà, 3 places Jeanne d'Arc. C'est Yes Basketball. Alors là, on est parti dans des trucs carrément bizarres. Il mélange de tout. Et d'ailleurs, le titre, c'est pour ajouter à l'œuf, estragon, moutarde et carotte. Tarragon, mustard and carrot. On est vraiment une émission ce soir qui est d'une grande unité. Gastronomique. Ouais, c'est excellent. Et tout ça sans se concerter quand même. Tiens, on est toujours fort. À chaque fois que je viens, on parle de bouffe, de toute façon. Et voilà. Donc voici Yes Basketball avec tarragon, mustard and carrots. All the cream on this orange beauty. It's the sweetest part, licking the part. Until the last drop, dipping and dipping and dipping. Deeper and deeper, cause it's better. If she knows, come back again and again. My green pot is your chance. Sinking to the mistake, lick it till the dizzy head. N'importe quoi, c'était quoi ça? C'était Yes Basketball. Hein, Yann de Rennes, à skip. Je vais peut-être pas refaire la présentation. Si, dis juste que qui c'est. Attends, j'ai perdu mes notes. Pas voir, pas de ça. C'est C'est Power Pants, oui, bah voilà. Et le morceau, il s'appelle Somebody Else Problem. Someone. De quoi ? Someone. Someone, oh, pardon, oui, Someone Else Problem de Power Pants. Oh, c'est la même chose. Oui, taisez-vous. Hein, mais du coup, ça me permet de lancer pas l'auxiliaire, mais le PC Mix. Hop, et voilà. Si ça démarre. Enfin, j'appuie sur le bouton. Il veut pas. Je pense que cet ordinateur ne veut pas passer de titre de Power Pants. On dirait. Ah. Ce soir, franchement, ah ouais. C'est. Hein. Est-ce qu'on veut du heavy metal maintenant, Pion, c'est sur au cœur. Mais oui, pourquoi pas. Ah, j'aimais bien ces conneries-là dans ma jeunesse. Puis j'ai découvert la vérité, enfin, je croyais, mais tout droit sorti des enfers du glam metal avec leur Flying V et leur coupe de cheveux avec des cheveux. Les Barcelonais de Patrol ressuscitent dans mon cœur la flamme. En tout cas, le temps d'un EP 4 titres sorti en cassette chez La Parka. Ça a été enregistré, mixé et masterisé en France, au château de la Vergogne, attention, par un certain Maxime Smadja, donc, notamment qui fait Rix. Je sais pas, j'ai déjà entendu parler de lui, apparemment. Ouais, je crois, ouais. Et du coup, le titre que j'ai sélectionné est Pit Stop. Et dédicace à JD de l'émission d'après. Qui commence à 21h, Steve Grinder. Ouais. Allez, vas-y, Steph, rock and roll. We'll be right back. Fade out, c'est pas du boulot. Voilà. Et j'arrive quand même à relancer le même morceau. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 416. L'émission touche déjà à sa fin. Elle est là. Non, c'est pas. En tout cas, on la touche. Non, c'était bien. Hein. Franchement, c'était une bonne émission. On a passé que des trucs qui étaient en rapport les uns avec les autres. Quelle cohérence. Magnifique. C'est beau. Quel dessiné. Ça, c'est le punk, quoi. C'est le punk rock. Ah. C'est plus en City Rockers. Hein. C'est en faisant du punk rock, tu deviens cohérent. Ou cohérent. Ah, ou les deux à la fois. Hein. La semaine prochaine, nous nous retrouverons ou pas. On ne sait pas encore, vu que, bon, il y a un petit changement de programme dans l'occupation des studios. On va essayer quand même d'enregistrer un truc et puis de vous le passer à l'heure dite. Normalement la 417e, ça sera la semaine prochaine à partir de 20h sur Campus 106,6. Dans quelques minutes, vous allez retrouver le beau JD avec son Teeth Grinder. Et puis ensuite, à partir de 22h, ça sera B-Boy Bouillabaisse. Et puis après, il y aura encore plein de bonnes émissions, mais jusqu'à la semaine prochaine. Hein. Ça va peut-être changer. Vous avez plus rien à dire pour votre défense? Oh, un petit Jimmy Cliff, ça aurait pas fait de mal. Mais non. Je mets mon veto. Voici donc Soisson qui va passer dimanche au CCL avec je ne sais plus quels autres groupes de black metal et puis de machin, tu sais, complètement médiéval. Voici donc Soisson avec une vulgaire bête de Somme. Je le fais bien. Voilà. Bien. Je tiens à dire que Soisson n'est pas dans la Somme. Ça aurait dû être une vulgaire bête d'Aisne. Bah ouais, voilà. Mais bon, ça vient du sud de la France, donc ils savent pas. Hein. Ils connaissent pas les bonnes régions. Ils viennent garroyer. À la semaine prochaine pour la 417e du PCR. Et en attendant, on n'oublie pas. A cap. A cap. Soissons.